Quatrième et dernier temps de notre histoire de l'imprimerie dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongerons en plein cœur du XVIIe siècle, à l'époque de la Fronde et des Mazarinades. Après avoir évoqué lundi les recherches récentes de l'historien Roger Chartier sur la naissance de l'imprimerie et sur ses conséquences, puis mardi dans le documentaire raconter l'histoire de la grande grève du Parisien libéré, et nous être promenés hier en compagnie de Séverine Yatard dans le musée rénové de l'imprimerie de Lyon, nous allons ce matin, donc toujours avec Séverine Yatard qui a préparé cette semaine avec nous, et grâce aux textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg, vous parler des Mazarinades, des libelles et autres pamphlets du temps de la Fronde avec nos trois invités. Yann Sordet, il est directeur de la bibliothèque Mazarine, spécialiste de l'histoire des bibliothèques et de la bibliophilie. Également Stéphane Affmeyer, il est maître de conférences d'histoire moderne à l'université de Caen et enseignant-chercheur au CRHQ. Et Myriam Tsimbidi, elle est professeure à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des mémoires du XVIIe et XVIIIe siècle. Et elle a travaillé également sur l'écriture polémique, sur la correspondance au XVIIe siècle. Et elle est membre associé du groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire. Et pour commencer, un premier texte qui nous est lu par Daniel Königsberg. Il est signé Scarron. À la malheur, Mazarin, du pays d'où vient Tabarin, es-tu venu troubler le nôtre ? On te prenait bien pour un autre, on t'avait fort mal deviné, lorsqu'on te croyait raffiné de science et de pratique, tu n'es pas un grand politique. Tous tes desseins prennent un rat dans la moindre affaire d'État. Singe du prélat de Sorbonne, ma foi, tu nous la bailles bonne. Tu n'es à ce cardinal-duc comparable qu'en aqueduc, illustrant ta partie honteuse, ta seule braguette et fameuse. Outre cette vertu de coq, on te tient, inventeur du hoc au beau jeu de 30 et 40, de certaines chaises aux courantes, autre cheval de pacolet. Et de plus, de ce cher balai, ce beau mais malheureux Orphée, ou pour mieux parler ce Morphée, puisque tant de monde y dormit, ma foi, ce beau chef-d'œuvre mis en grand crédit ton éminence, ou plutôt ton impertinence, tes courtisanes, tes châtrées, y furent des mieux chapitrées pour avoir fermé des bougettes aux gueux qu'on appelle poètes, si chers au feu rouge bonnet, qui savent le mal qu'un sonnet qu'on a mal récompensé cause, et qui craignait sur toute chose que par ces divins affamés, ces beaux faits fussent diffamés, pour avoir, dis-je, au vers de Pégase, été par trop raque de naze. N'en as-tu pas bien dans le cul, au lieu qu'en donnant quelques écus, ton immortelle renommée par l'Europe eût été semée? Bonjour Séverine Yatard, bonjour à vous Stéphane Affmeyer, bonjour à vous Yann Sordet, puisque bonjour. C'est vous qui avez choisi ce texte, et puis bonjour à vous Myriam Tsimbidi. Merci d'être avec nous pour évoquer ces Mazarinades, ces pamphlets, ces libelles du temps de la Fronde. Alors ce texte que vous avez choisi est signé Scarron, il date de 1651, et il s'intitule « La Mazarinade en vers burlesque ». On voit effectivement que c'est une attaque drôle, drôlatique et très féroce vis-à-vis de Mazarin. Pourquoi l'avez-vous choisi, Yann Sordet ? Alors, c'est un texte qui illustre un certain genre des Mazarinades, parce que les Mazarinades forment une constellation assez complexe de textes, hein, qui sont tous liés à cette période exceptionnelle que nous appelons la Fronde, qui est une petite révolution, hein, en plein milieu du XVIIe siècle, qui commence, rappelons-le pour nos auditeurs, en 1648 et qui va se terminer en 1652, période qui va voir une profusion de publications de pamphlets. Donc les Mazarinades, nous en connaissons entre 5000 et 6000 éditions, représentées par un nombre beaucoup plus important d'exemplaires. Cette Mazarinade elle est due à Paul Scarron, qui est l'un des écrivains, l'un des grands écrivains qui ont donné de leur plume pour alimenter ce corpus exceptionnel. Et c'est surtout la Mazarinade qui a donné son nom au genre lui-même, puisque c'est Scarron qui a choisi ce titre singulier pour désigner ce texte virulent contre la politique de Mazarin, contre la personne de Mazarin. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on a lu, que Daniel Koenigsberg vient de nous lire. Il y a beaucoup de choses, et en particulier des choses qui sont évidemment très datées, qu'on a du mal à comprendre. Le cher ballet, l'Orphée, ou encore le jeu de Hoc qui sont évoqués au milieu de ce texte. Mais il y a beaucoup d'autres choses que l'on comprend tout à fait, en particulier le lien que le pouvoir, Yann Sordet, entretient avec les écrivains, ou plutôt que les écrivains aimeraient entretenir avec le pouvoir, et un pouvoir qu'il ne récompense pas suffisamment pour qu'au bout du compte, ils puissent faire les éloges que voudrait voir justement le gouvernement sortir de leur plume, en l'occurrence. Oui, absolument. Cette situation des écrivains, cette situation plus généralement du monde du livre, est l'une des explications principales de la Fronde et du phénomène des Mazarinades. Rappelons qu'en 1648, à la veille de la Fronde, Paris est le premier centre typographique en France. C'est le premier centre d'imprimerie du royaume. On connaît la technique typographique à Paris depuis 1461. Pendant tout le XVIe siècle, en France, il y a trois grandes villes qui produisent l'essentiel de du livre imprimé, Lyon, Rouen et Paris. Mais dès la fin du XVIe siècle, Paris est vraiment établi comme le principal centre de production typographique. Ça veut donc dire qu'on a les ouvriers qui y travaillent, on a les imprimeurs qui y travaillent, et on a donc toute une structure technique qui va permettre le développement justement très rapide pendant la Fronde de ces textes. Oui, une structure qui est à la fois technique, qui est également économique et qui est également juridique. La plupart des imprimeurs libraires parisiens profite d'un système de privilèges octroyé par la chancellerie royale. Ils disposent de protections. Il y a les imprimeurs du Parlement, il y a les imprimeurs de l'archevêque. Donc il y a un phénomène de concentration à Paris lié à la proximité du pouvoir. Et c'est une population qui est composée aussi bien de grands imprimeurs libraires qui travaillent en lien avec l'archevêché, comme je le disais, avec la monarchie, avec le Parlement. Ce sont des gens comme Sébastien Cramoisi, qui est également imprimeur des Jésuites. Ce sont des gens comme Jean Camusat. Mais vous avez aussi toute une myriade de petits ateliers qui vont également eux-mêmes se livrer à la production de Mazarinades. L'atelier de la veuve Guillemot, l'atelier de Michel Métayer. Voilà la situation du côté des imprimeurs. Et du côté des auteurs, il faut évoquer là le rôle très particulier qu'a eu Mazarin en tant que mécène. Mazarin a la réputation, dès le XVIIe siècle, d'être assez mesquin vis-à-vis du monde littéraire. En tout cas, Mazarin n'a pas les talents qu'avait Richelieu, créateur de l'Académie française. Pour protéger les écrivains, voilà, protecteur, pour les aider. Protecteur des écrivains. Mazarin est arrivé au pouvoir en tant que premier et principal ministre à partir de 1643. Est caractérisé par une certaine distance, une certaine morgue, une certaine pingrerie vis-à-vis du monde littéraire, ce qui va finalement rendre un certain nombre d'auteurs tout disposés à donner de leur plume. Et ces auteurs, nous en avons cité quelques-uns, Paul Scarron, Jean-François Sarrazin également, qu'il faut citer. Donc il y a cette conjoncture qui est parfaitement propice au phénomène des Mazarinades, et s'y ajoute également un dernier élément qui est lié à la situation économique dans le royaume. Nous sommes dans une phase dépressionnaire qui a fait sentir ses premiers signes en 1630-1640, qui a touché de plein fouet le monde de l'imprimerie. Les Mazarinades vont procurer justement une opportunité aux imprimeurs libraires, puisqu'elle va les assurer du succès de ces petites productions à bon marché qui étaient vendues dans les rues, auprès des marchés, sur le Pont Neuf, pour certaines d'entre elles, au prix d'un sou, qui est la valeur d'une livre de pain. Et c'est ça un petit peu la spécificité de la Mazarinade, c'est peut-être qu'elle est très difficile à définir, c'est-à-dire que vous-même vous interrogez, historien et chercheur, c'est-à-dire que ça peut être un poème, ça peut être un acte, ça peut être un pamphlet, c'est un libelle, et puis à l'intérieur du texte, il y a le sous-texte aussi, Myriam Tsimbidi, des textes qui ne sont pas idéologiques, mais qui font usage des mots pour parler et dénoncer certaines choses. Oui, effectivement, c'est un terme qui est devenu, qui désigne une catégorie finalement de textes qui ont été publiés entre 1648 et 1653, voire parce que la définition de la fronde, on le sait, est extrêmement complexe, je ne souligne pas trop, mais on parle aussi de la fronde des curés qui va jusqu'en 1661, mmh. avec d'autres textes qui sont finalement contre Mazarin, écrits contre Mazarin, qui ne sont pas catégorisés dans les mazarinades de nos jours, mais qui l'ont été par des contemporains. Par des contemporains, hein, bien sûr. Alors, donc tout cela pour dire que ce sont des textes, effectivement, vous parliez tout à l'heure de pouvoir, quelle est l'attitude du pouvoir par rapport à ces textes, mais où est le pouvoir entre 1648 bien et 1653 sûr. Est-ce que c'est du côté des princes? Est-ce voilà, que c'est du côté du gouvernement? Vous avez des pièces officielles en 1648-1649 qui sont en fait des pièces écrites contre la cour et qui ont été publiées dans Paris, puisqu'on avait le blocus de Paris, que la cour était à l'extérieur. Voilà, ça c'est déjà pour donner, expliquer un petit peu la complexité de l'origine et de l'instrumentalisation aussi de ces textes. Et la variété de leur forme, de leur format, comme tout à l'heure Yann Sordet, c'est-à-dire comment les définir, sinon par le caractère ironique, polémique, etc. Et c'est à la fois des pièces en vers, ce sont des explications ou des textes qui sont parfois des sortes de grands plaidoyers pour un personnage, que ce soit un des princes ou pour Mazarin, par exemple. Tout cela, c'est assez complexe à définir. Alors, c'est d'autant plus complexe qu'il y a aussi un phénomène, je dirais, commercial, que l'on a souligné tout à l'heure. Et je cite un extrait des remerciements des imprimeurs qui est de 1649, qui dit bien: une moitié de Paris imprime ou vend des imprimés, l'autre en compose. Donc on est vraiment dans un système où finalement, peu importe la cible, le tout c'est d'en rire. Et finalement, le phénomène des collectionneurs et des collections qui ont transformé certaines mazarinades en objets de curiosité en est bien un témoignage. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a un changement, je dirais, de spectacle au niveau politique et au niveau de l'imprimé qui intervient à partir de 1650 avec l'arrestation des princes. Et donc, je dirais que le blocus de Paris est achevé, la fronde parlementaire est achevée, et là, on est dans autre chose, on est dans des camps qui vont s'opposer et qui vont essayer de manipuler l'opinion, que ce soit l'opinion bordelaise ou parisienne, grâce à ces textes, notamment à ces textes, avec tout un jeu, je parlais de jeu de bonneteau, où finalement les titres cache finalement la véritable cible. Alors un exemple simplement, en 1651, un traité entre le coadjuteur, le cardinal de Ré, le futur cardinal de Ré, et Mazarin, qui l'autorise à dire du mal du ministre. Et donc, pour en revenir à cette histoire de cible, vous avez donc un texte qui vient du coadjuteur, qui dit du mal de Mazarin, mais qui en fait souligne leur accord. Avec un double jeu de mise en abîme, puisqu'en même temps, le coadjuteur, vous imaginez l'enthousiasme qu'il a à dire du mal du ministre, joue double jeu. Voilà, donc ça c'est simplement pour souligner l'ambiguïté de ces textes. Et puisque vous évoquez effectivement ce lien un peu particulier entre le cardinal de Ré qui joue un double, triple, quadruple jeu, on ne sait plus très bien pendant toute cette période de la Fronde, et Mazarin, un extrait justement de ce texte de la Défense et légitime Fronde de 1651. Vous pouvez nous le replacer dans son contexte, Myriam Simili? Oui, alors ce texte date de 1651. Il y avait eu une entente entre le Parti des Princes et l'ancienne Fronde, qui était représentée par le duc d'Orléans, le coadjuteur et Madame de Chevreuse. Et cette entente faisait que normalement, Conti, le frère du prince de Condé, devait épouser Mademoiselle de Chevreuse. Condé libéré, bien évidemment, modifie cet accord. Et le coadjuteur se retire en avril-mai dans son cloître de Notre-Dame et décide de répliquer en montrant que lui, finalement, de son côté, il est irréprochable. Et donc, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il parle de lui. Il se rend un portrait de lui qui le transforme en homme irréprochable. Et en même temps, il attaque Condé. On l'écoute. On ne peut mieux répondre à de mauvais discours que par de bonnes actions. La réputation de monsieur le coadjuteur est autant au-dessus de la calomnie et de l'imposture que son cœur est au-dessus de la crainte et son esprit au-dessus de l'intérêt. Je ne prétends point de répondre pour lui à ces infâmes libelles qui infectent le monde. Je ne les lis qu'avec mépris quand je les considère comme des ouvrages malheureux de ces mêmes mains qui ont voulu consacrer autrefois le Mazarin. Je regarde comme des trophées élevés à la gloire de monsieur le coadjuteur tous les traits que tracent contre lui ceux qui ont assiégé Paris. Je leur pardonne même en quelque manière le ressentiment qu'ils ont des obstacles qu'il a mis à la fureur en tant d'occasions où ils ont essayé d'opprimer la liberté publique. Je ne trouve pas étrange que de nouvelles obligations n'aient pu effacer de leurs esprits la douleur qu'ils ont conçue de n'avoir pu ruiner la capitale du royaume et de n'avoir pas eu la liberté tout entière de nager dans le sang de ses citoyens. Je leur fais assez de justice pour excuser ces transports, et au lieu de leur répondre par des invectives qui n'ajouteraient rien à la connaissance publique que l'on a de leur noir et infidèle procédé, ou par des apologies peu nécessaires à mon sens à une conduite aussi nette que celle de monsieur le coadjuteur, je me contenterai de faire présentement avec douceur pour sa défense ce qu'un des plus grands hommes de l'ancienne Rome fit autrefois avec approbation pour sa propre gloire. Rien Timbini, quand on écoute un texte comme celui-ci, à qui s'adresse-t-il d'une certaine façon et quelles sont les cibles de ce texte-là? Parce que il faut pouvoir décoder, comprendre, imaginer le sous-texte, les doubles tiroirs dans lesquels on a rangé les invectives. Qui sont les cibles de ce texte-là, par exemple? Alors, les cibles, ce sont les Condés hein, qui ont rompu l'accord. En même temps, alors je pense que là, on est dans ce que Christian Jouot appelle une sorte de littérarité tactique. C'est-à-dire que ça s'adresse à plusieurs, finalement, publics. Chacun va pouvoir interpréter ça à différents niveaux. Apologie du coadjuteur, c'est tout. Critique des Condéens et du prince de Condé qui a rompu l'accord. Et puis derrière cela, bien évidemment, critique de Mazarin qui s'entend avec les princes. Oui, mais en l'occurrence, le petit peuple de Paris, les gens du Pont-Neuf, etc., comprennent-ils un texte aussi plein de sous-entendus, par exemple, ou faut-il faire des sortes d'explications de texte une fois que ce texte est publié pour pouvoir dire, bah, écoutez, ça veut dire cela. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Je pense qu'on n'en sait pas grand-chose. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il y a plusieurs publics et que le petit peuple, Paris résonnait de chansons et de cris, hein, voilà, de triolets et de placards affichés. Et il y avait des textes extrêmement denses, de 80 pages, de 100 pages, qui s'adressaient à d'autres publics. Là, visiblement, c'est une orchestration qui vise à attaquer le parti condéen. Et il y a entre le parti condéen et le parti rédien des échange de libelles, finalement, qui les lit, les gens concernés. Stéphane Affmeyer, on n'a pas assez insisté sur le fait, comme le disait d'ailleurs Roger Chartier, que l'imprimerie ne laisse pas tomber totalement la question de l'écrit manuscrit, par exemple, et que parmi ces mazarinades, il y a à la fois des mazarinades qui sont écrites pour être publiées, des mazarinades qui sont écrites pour être publiées et qui ne sont pas publiées, d'autres mazarinades qui n'ont pas le temps d'être publiées et imprimées et qui sont écrites à la main et qui circulent dans des petits cercles, etc. Qu'il y a donc divers régimes d'écriture, pourrait-on dire, et façon, divers supports, les placards, les textes jetés dans la rue la nuit pour que les gens les trouvent au petit matin, pour qu'au bout du compte, il n'y ait pas un seul support de Mazarina, dans l'occurrence, Stéphane Affmeyer. Oui, tout à fait. Il y a des publics visés hein, pour les textes qui sont composés. Donc, il y a des stratégies. Et des publics créés, en fait, et des ponctuellement. Ponctuellement. Ouais. Et il y a donc des stratégies d'écriture qui visent effectivement des publics bien, bien particuliers, d'où des niveaux de composition extrêmement différents les uns des autres. Bon, alors, Mazarin, par exemple, est extrêmement déstabilisé par les mazarinades et il a beaucoup de difficultés à essayer de réagir sur l'instant. Alors bon, Mazarin éprouve un certain nombre de difficultés à entrer en contact finalement avec ce public populaire qu'il aimerait toucher de manière beaucoup plus précise. Pendant la Fronde, par exemple, Naudet lui fait le reproche... C'est une sorte de conseiller en communication, ouais. Vous dites, de Naudet, c'est ça, c'est quelqu'un qui... Exactement. Mais alors, cette image d'un Mazarin incompétent, enfin incapable finalement de répondre aux libelles, est aussi créée par la propagande de Mazarin elle-même, comme pour essayer de se justifier, finalement, de ne pas avoir su réagir au bon moment. C'est un peu le procès que lui fait Naudet, qui lui reproche d'être responsable d'une sorte de faute politique, hein, de ne pas avoir pu réagir. Mais il faut bien voir qu'il y a une sorte d'incapacité du pouvoir, tout simplement, à pouvoir réagir à ce flot de libelles. Le pouvoir est littéralement submergé. Parce qu'on n'a pas dit, hein, quand même, 5000 libelles, à peu près, entre 5 et 6000 libelles en 4 ans. Hein. C'est quand même une entre 5 à 6000 et certaines années, un peu moins de 1000, c'est ça pour ça. Un peu moins, il y a un pic en 1649 au moment où le roi quitte la capitale, en janvier 1649, et là se produit un phénomène finalement très analogue à ce qui s'est produit à Londres au moment du départ de Charles Ier, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de libération de la parole, libération de la parole qui a des degrés qui peuvent être extrêmement politiques, hein, parce que derrière cette inventivité littéraire, il ne faut pas oublier l'importance des enjeux politiques. Hein. Derrière le burlesque, il y a aussi une sorte de littérature de combat. Vous évoquez justement cette année 1649, le dialogue de Jodelet et de L'Orvietan, donc sur les affaires de ce temps, une mazarinade enragée que vous avez choisie pour nous, qui va être lue pour nous, par Daniel Königsberg. L'Orvietan. Parlons sans transport, de quel bien ne lui est-on redevable quand l'État ayant perdu son roi, la France son cardinal, un enfant étant sur le trône, une femme incapable dans l'autorité. Les princes gouvernés par des coquins ou des indifférents, les grands dans la bassesse, les nobles dans la servitude, le clergé dans les vices et l'ignorance, le parlement dans le mépris et le peuple dans la misère. Il a fallu que ce falot sicilien ait dissipé les ténèbres de la France, pris le timon de l'État, conduit la régence de la reine, soutenu le sceptre, maintenu la tranquillité publique étendue nos frontières par la prise de Porto Longone et le dessin sur Orbitel, fait des paix avantageuses si par malheur il n'eût été dupé et défendu le sien pour soutenir une gloire mourante mal reconnue par un peuple ingrat et inconstant. Jodelet. Corps de loup sans rage, si le bonheur de la France dépend de l'engin d'un postillon, nos rois meurent. Quand leur heure vient tour à tour, ils se font place, et pour régner, ils n'en sont pas immortels. Le fils succède au père, et quoique enfant, et notre roi, béni, aimé et honoré. Sa mère était bonne pour le faire et nullement pour gouverner. Pourquoi le souffre-t-on? Et autre chose, le duc d'Orléans devrait y remédier, mais son pédant le trahit et le décrit. Fils d'un méchant père, gagnant des batailles, il nous surprit, il changea des crimes et sa rage succéda à la valeur. Les grands seraient tels qu'ils le voulaient être s'ils achetaient leur plaie à leur dame. Les nobles sont devenus estafiés, esclaves. Le peuple est aux extrêmes. De la nécessité vient le désespoir, du désespoir la confusion, et malheur aux auteurs de ces mots. De grâce, régente, allez au Val-de-Grâce, prenez le cilice, abaissez votre courroux, le cloître, et votre fée pour votre salut, votre bien et votre réputation, et si noce, Mazarine, vous plaît, ne nous faites pas payer les violons. Faites en seconde noce des héritiers pour Castille, votre lignée nous suffit. Gaston, chassez d'auprès de vous ce perfide la rivière, songez à vous. Pensez à vous et faites mieux. Le bourreau a commencé dans votre hôtel, achevé jusqu'au plus coupable. Votre lâche favori est pire que quand, pis grand prince, détruisez votre idole. C'est un peu comme pour les goguettes du 19e siècle. On est parfois en mal de comprendre toutes les allusions dans un texte aussi fourni, aussi profus que ce dialogue de Jodelet et de L'Orvietan sur les affaires de ce temps de 1649, Stéphane Meyer. Alors tout à fait, pour l'historien, c'est un texte effectivement qui nécessite de le contextualiser très fortement. Alors c'est un texte qui devait parler au public populaire puisque Jodelet était probablement le plus célèbre acteur comique des scènes de théâtre parisien, qui était spécialisé dans des rôles de valet, un valet trivial, peureux, un peu lubrique, et qui devient d'ailleurs un personnage à part entière, puisqu'il est mis en scène par Molière, par Corneille, par Scarron, etc. Alors L'Orvietan désigne un médicament qui était dénoncé comme étant une sorte de symbole du charlatanisme médical, et qui vient de la ville d'Orvieto en Italie, et qui s'inscrit finalement dans cette vague de l'anti-italianisme qui se cristallise. Oui, parce qu'on a pas, et qui suscite, que suscite de Mazarin. La personne de Mazarin. Voilà, on n'a pas évoqué effectivement cette difficulté-là, c'est qu'effectivement le Mazarin en question a du mal à écrire lui-même parce qu'il pratique des italianismes dans son écriture, il est obligé de dicter pour qu'on puisse le comprendre d'une certaine façon. Et effectivement, il y a donc toute une vague d'anti-italianisme qui se cristallise autour de la personne de Mazarin entre 1643 et la Fronde, quoi. Tout à fait. Et sur le plan culturel, d'ailleurs, il y a un rejet de l'opéra italien. Le premier opéra est joué en 1647 à Paris et est détesté par les Parisiens. Alors, pour revenir sur cette pièce que vous avez lue, ce qui est intéressant, c'est que au-delà finalement de la simple farce, hein, au-delà du côté burlesque, on a un pas franchi en direction de l'insolence, de l'obscénité. Hein, et c'est une crudité, d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler des caricatures que l'on trouvait au XVIe siècle contre Henri III, ou que l'on retrouvera contre Louis XVI à la veille de la Révolution. Et ce qui est vraiment frappant, c'est cette absence de sacralité, finalement, des pouvoirs qu'elle dénonce. La reine, on lui demande d'aller... Tout le monde en prend, en quelque sorte. Voilà, la reine, on lui demande d'aller au couvent, effectivement. Donc il y a effectivement une vision extrêmement dure, un discours extrêmement dur par rapport aux gens du pouvoir. Extrêmement misogyne, hein, que l'on retrouvait au siècle précédent contre Catherine de Médicis. En même temps, la noblesse également est dénoncée. Enfin, toutes les élites sont visées. Hein. Mais en même temps, Stéphane Affmayer, vous disiez que ce ne sont pas des textes. Enfin, ce sont des textes politiques, mais en même temps, on ne peut pas les prendre pour des textes qui veulent réformer un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une critique, mais sans programme réel. On ne critique pas le roi, on critique Mazarin. Enfin, c'est la question de la Fronde, hein, bien sûr, oui, bien qui sûr, est abordée ici. Enfin, c'est plutôt... Derrière cette hétérogénéité du corpus des Mazarinades, il y a effectivement toute la complexité événementielle de la Fronde. Avec et la rapidité des accords et des désaccords, la faction des princes, des retournements d'alliance, etc., qui produit effectivement une complexité particulière. Oui, on a une sorte de juxtaposition, d'enchaînement de rébellions qui sont déconnectées les unes des autres, mais on ne peut pas ne pas y voir tout de même des discours de légitimité qui s'affrontent et qui posent des questions fondamentales sur le pouvoir, sur l'origine de la loi, l'origine du pouvoir royal. Donc il y a une lecture politique que l'on peut faire. Yann Sordet, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté qu'avait Mazarin, par son avarice supposée, à s'attacher les hommes de plume et les écrivains de l'époque. Quel rôle jouent-ils justement ces écrivains, ces hommes de plume, et comment jouent-ils un coup l'un et un coup l'autre? Passent-ils d'un camp dans l'autre? Sont-ils toujours constants et défendent-ils les princes ou le roi? Ou comment cela se passe-t-il d'une certaine façon? Alors, il y a un système de clientélisme évident. Hein. Certains écrivains producteurs de mazarinades, comme Claude Dubosc-Montandré, hein, sont vraiment affidés au prince de Condé. Il il est stipendié par le prince de Condé et il va publier un certain nombre de textes qui, destinés à servir la cause des princes. Mais je voudrais compléter ce que Stéphane vient de dire pour envisager de manière un petit peu plus large cet effectif des écrivains. Il y a les littérateurs, les poètes, les gazetiers, mais il y a aussi les écrivains théoriques, théoriciens, les magistrats, les juristes. Bien sûr. C'est vrai qu'en marge de ce corpus très hétérogène de mazarinades, de fondements littéraires, il faut faire la part aussi d'un certain nombre de textes qui sont des textes très théoriques, qui sont des textes de réflexion, des réflexions politiques. Sur le pouvoir. Sur le pouvoir. Et à la fin de la Fronde, très précisément en 1652, est publié un texte extrêmement important qui est dû à Claude Joly. Alors Claude Joly, il a été juriste, avocat, il a été aussi chanoine de la cathédrale de Paris. C'est un frondeur, il est du côté des parlementaires et il publie un texte extrêmement intéressant qui n'est pas un libelle de 4 à 8 feuillets, qui est vraiment un ouvrage théorique, hein, recueil de maximes véritables et importantes pour l'institution du roi. Donc on a là la grande tradition des conseillers politiques du prince, contre la fausse et pernicieuse politique du cardinal Mazarin, prétendu surintendant de l'éducation de sa majesté. Et dans ce texte fondamental, Claude Joly revient sur la question des états généraux. Pour lui, les états généraux qu'on n'a pas réunis en France depuis 1614-1615 et qui ne seront du reste pas réunis avant 1789, cette question des états généraux comme rouage potentiellement décisif dans un exercice serein de la monarchie est pour Joly fondamentale. Et ce texte, finalement, est lié au corpus des mazarinades alors que ça n'est pas une mazarinade. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites il faut aussi dans ce corpus que l'on considère comme un corpus varié, certes, y rajouter ces textes-là qui sont des textes de réflexion sur l'exercice du pouvoir, la façon dont ce pouvoir doit être distribué à l'intérieur du royaume de France, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Alors se pose aussi la question du périmètre des mazarinades, qui est un sujet qui a été débattu, notamment par les deux grands spécialistes dans le dernier tiers du XXe siècle de la question, qui étaient Christian Jouot et Hubert Carrier. Pour rappeler le livre de Christian Jouot qui date de 85 dans la collection Aubier à l'époque, Mazarinade, la Fronde des Bois en particulier. Oui, absolument. Et puis les textes d'Hubert Carrier, Les Muses guerrières, Le labyrinthe de l'État. Hubert Carrier qui a laissé à sa disparition du reste il y a quelques années ses archives de travail à la bibliothèque Mazarine. Mais la question du périmètre est un vrai sujet historiographique. Alors il y a un autre sujet aussi, c'est que ces auteurs, Myriam Simindi, ils sont à la fois fiers de participer à l'écriture de certains textes, d'autres fois ils se cachent, ils pratiquent l'anonymat, parfois même ils laissent attribuer à un de leurs opposants un texte qu'ils ont écrit pour pouvoir, disons, mettre un peu la pagaille dans ce qui est déjà assez pagailleux, c'est-à-dire cette période de la Fronde. C'est assez étrange ce jeu sur les attributions, pourrait-on dire, qui rend d'ailleurs le travail de l'historien et de l'historien du littéraire encore plus complexe, parce qu'effectivement, il faut pister les pistes qui ont été laissées en friche par l'auteur lui-même pour comprendre ce qui s'est passé et qui a écrit. Oui, alors les mazarinades, finalement, c'est dans ce sens-là, c'est un véritable laboratoire parce que on est obligé de remettre en question la notion d'auteur, parce qu'il faut rajouter à cela le phénomène d'écriture à plusieurs mains, le phénomène de revendication d'un texte que l'on n'a pas écrit, c'est ça. Le phénomène aussi de ce texte est digne de moi, genre je pense au cardinal de Ré qui revendique quelques libelles dans ses mémoires et qui fait que il ne revendique que les libelles qui sont dignes de lui, mais il en a certainement écrit d'autres de beaucoup moins dignes, à mon avis. Bon, c'est une hypothèse, mais tout ça pour dire que effectivement cela conduit à réfléchir à la notion d'auctorialité et surtout ne pas se laisser du moins être vigilant, alors j'allais dire piégé par les textes, mais être extrêmement vigilant et lire à travers les lignes. Et vous parlez tout à l'heure du problème du public et de l'interprétation de ces textes et donc On est là vraiment dans ce système-là. Alors il y a aussi autre chose, hein, un autre phénomène qui se crée dans les mazarinades, c'est que vous avez des auteurs qui laissent des signes dans leurs textes, qui renvoient à d'autres mazarinades et qui créent des constellations comme ça. Et donc on peut imaginer recréer. Alors Dubosc Montandré notamment permet de pister finalement tous les textes qu'il a publiés. Sous son nom ou pas sous son nom. Voilà, en général de façon anonyme. Hein. Et voilà, alors ce qu'on appelait un anonymat transparent finalement, hein, parce que on voit le bout des souliers derrière le rideau finalement. Hein, Et parfois par l'intermédiaire de l'imprimeur aussi, on peut repérer parce que l'imprimeur laisse un tampon, quelque chose, une marque. Voilà, et effectivement, alors l'imprimeur permettant aussi de repérer dans de quel camp cela part, hein, le coup part finalement aussi, hein, parce que vous aviez l'imprimeur royaliste. Et vous dites aussi que justement certains imprimeurs sont parfois inquiétés, enfin notamment c'est lorsque Condé a la mainmise un peu sur l'imprimerie à Paris. À l'époque à Paris, il devient dangereux de publier les libelles de ses ennemis, on peut imaginer. Oui, Stéphane Affmeyer. On a même quelques exemples d'arrestations, hein, d'imprimeurs et de colporteurs au moment de la terreur condéenne en 1652, ce qui ajoute encore à la difficulté pour Mazarin finalement de travailler à la justification de sa cause. Il faut rappeler qu'il met en place un vrai bureau de presse à partir de la fin de l'année 1651, qu'il espère opérationnel à Paris début 1652, mais il ne le sera pas tout de suite. Un bureau de presse, ça veut dire donc des écrivains qui sont à la solde de Mazarin et qui sont chargés de répondre point par point à toutes les attaques dont fait l'objet justement Mazarin, c'est ça ? Oui, c'est un programme qui est tout à fait extraordinaire, que Mazarin élabore en concertation avec Hugues de Lionne dans l'été 1651, et qui prévoit de répondre au coup par coup à tout ce flot de mazarinades. Mais la difficulté de Mazarin, c'est l'exil, puisqu'il est exilé à partir de septembre 1651, donc il essaye de piloter, si on peut dire... À distance, hein, les choses de loin, mais il est fortement atteint par la décision du roi qui l'a exilé en septembre 1651, évidemment sous la pression du Parlement. Et il se demande si il doit vraiment travailler à ses justifications et de quelle manière. Et de quelle manière ? Parce que vous expliquez, Stéphane Affmeyer, que voilà, Mazarin a peut-être pas tout à fait compris certains enjeux quand de la communication moderne. Ouais, exactement. Dans ses réponses, parce qu'il fait appel à la rationalité du public. Alors c'est une conception de la communication. Mazarin a une vraie conception de la communication. Il l'utilise d'ailleurs les extraordinaires de la Gazette. Hein. Oui, alors il faut rappeler dans une conception très rationnelle. Alors, il faut expliquer que la Gazette, donc créée par Renaudot à la demande de Richelieu quelques années plus tôt, cette Gazette a donc des exemplaires ordinaires, pourrait-on dire, très régulièrement vérifiés par le pouvoir, et puis qu'il y a les extraordinaires qui répondent au coup par coup à un événement extraordinaire, et que par cet intermédiaire de ces numéros spéciaux, pourrait-on dire, de la Gazette de Renaudot, eh bien, Mazarin tente, d'une certaine façon, de défendre sa propre politique, Stéphane Ferrer. Alors, il tente, mais la Gazette n'est pas un instrument au service de la justification du favori, c'est un instrument au service de la gloire du roi. Donc Mazarin commande l'élaboration d'extraordinaires suite à une entrée royale, suite à une victoire militaire. Il envoie d'ailleurs lui-même le texte à Paris, mais Renaudot n'en fait parfois qu'à sa tête. Et oui, c'est ça, Derek. Quand on le pense comme un père des journalistes modernes, effectivement, on a souvent daubé Renaudot comme étant au service du pouvoir. Et puis on s'aperçoit, en vous lisant Stéphane Affmeyer, qu'à certains moments, il ne fait pas ce qu'on lui demande, en tous les cas. Parce que Renaudot a une conception du journalisme, une vraie déontologie du journalisme, qu'on pourrait d'ailleurs étudier dans les écoles de journalisme, puisqu'il explique la responsabilité qu'il a vis-à-vis de la postérité, notamment en ayant peur de cette condamnation du jugement de l'histoire si ce qu'il racontait était totalement faux. Et en même temps, la Gazette est aussi une entreprise commerciale qui doit susciter l'adhésion des lecteurs critiques, qui n'hésitent pas à caviarder dans les exemplaires qu'il lisent ce qu'ils jugent comme étant faux ou qu'ils apprennent par d'autres sources, etc. Vous nous avez fourni un texte du ministère victorieux de l'envie, 1653. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce texte avant qu'il ne soit lu pour que nos éditeurs le comprennent, par Daniel Königsberg? Alors c'est un texte qui est très intéressant parce que, effectivement, il est tardif. Hein, il est écrit par un prédicateur, le père Faure, qui est le prédicateur de la Reine, qui mobilise un ensemble de métaphores, des métaphores corporelles, des métaphores astronomiques, et qui, finalement, est un bel hommage, je trouve, rendu aux Mazarinades, puisqu'il reconnaît leur efficacité politique. Ces vermines, dit-on, lézards, serpents, chenilles et autres insectes qui se forment dans nos campagnes sont tout autant d'avant-coureurs des dangereuses maladies qui usent nos corps. Quand ces venimeuses bêtes naissent en foule, ces maux surviennent sans nombre. Qu'étaient tous ces libelles remplies de fausseté que de petits monstres pleins de venin, vilaines chenilles, qu'on ne pouvait toucher sans s'infecter, et qui, après avoir reçu le poison des mains de l'imposture, le porter des mains dans les oreilles de la crédulité. Ces petits insectes présageaient nos grandes guerres. Le concours de ces bêtes venimeuses dans toutes nos villes était un augure certain de cet abord furieux de tant de soldats étrangers qui, comme bêtes carnassières, devaient bientôt, après, s'épandre par nos provinces. Ces libelles sont si mal faits, ces dessins si mal conçus, ces injures si mal exprimées et toutes ces railleries extrêmement froides et fort grossières, que bien loin de laisser de mauvaises impressions contre la personne dans leurs écrits, nous sommes obligés d'avoir bonne opinion de son ministère après en avoir fait la lecture. Un homme à qui ses ennemis ne sauraient donner le moindre blâme mérite que tous les sages entreprennent de lui rendre l'honneur lorsque tous les sots pressentent de lui ravir. Rondeau et Chanson ont été les satires les plus vigoureux que l'imposture a déployés pour noircir un ministère si sage et une vie si illustre. Sur le rapport des Chansons, faut-il intenter des procès? Et sur le confrontement des rondeaux, faut-il juger des innocents et faut-il croire à l'extravagance même lorsqu'elle parle burlesque? Ce qui est intéressant dans ce texte du ministère victorieux de l'envie, qui date donc d'après la période officielle, pourrait-on dire, de la Fronde, puisqu'il date de 1653, Stéphane Affmeyer, c'est que on y parle, pour parler savamment, de registre de langue, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des langues qui s'affrontent, des types de langage qui s'affrontent et des types de propos qui s'affrontent. Propos burlesques d'un côté et puis la langue soutenue de l'autre, de celui qui écrit ce texte, en l'occurrence Stéphane Affmeyer. Oui, puis une disqualification d'un parler populaire ou d'une manière de s'adresser au peuple, en reproduisant d'ailleurs une conception très verticale finalement de la société. Le soleil d'un côté, la métaphore solaire, et puis le monde rampant finalement tout en bas. Mais en même temps, ça traduit aussi l'épuisement finalement de la rhétorique gouvernementale qui n'arrive pas finalement à contrer efficacement cette production, sauf à la disqualifier. Mais c'est la question de la propagande aussi politique et de cette écriture. Vous dites c'est une écriture spectacle et qui doit être spectacle pour être entendue, justement, par le peuple ou l'opinion publique. Stéphane Affmeyer ou Myriam Tsimbidi. Le spectacle de la rue. Oui. C'est surtout effectivement sur le Pont Neuf que se joue finalement ce théâtre populaire sous une forme effectivement chansonnée, puisque finalement le texte reconnaît l'efficacité des Mazarinades chantées. Comme ça se jouera un siècle et demi plus tard du côté du Palais Royal au moment de la Révolution française. Myriam Tsimbidi. Oui, je voulais ajouter qu'il y avait dans ces Mazarinades une réflexion sur le pouvoir, le langage du pouvoir finalement. Mm-hmm. Parce que ce patois que l'on retrouve, des Mazarinades en Languedoc par exemple, les Gascons, etc. Il y a encore une fois ce côté commercial. Hein, il y a aussi, ce sont des textes qui sont lus par des aristocrates, par des bourgeois, qui s'adressent donc à eux. Ces textes en patois, c'est quand même. Et donc derrière cela, il y a le côté faire rire. Je ne sais pas s'il y a vraiment... c'est une manière de discréditer le langage populaire, parce que c'est un langage populaire qui est truqué, hein, qui est reconstruit en fonction d'une cible qui est... Comme quand Molière, un peu plus tard, utilisera le faux langage populaire ou le faux sabir des ports méditerranéens pour pouvoir justement disqualifier tel ou tel de ces personnages. C'est ce que vous voulez dire, Mireille Timidi. Yann Sordet, sur ce foisonnement, et puis aussi cette capacité ou pas à parler à tout le monde par l'intermédiaire des mazarinades. Est-ce qu'au bout du compte, on ne se leurre pas à croire que la France entière était avide de ces textes-là, parce qu'au bout du compte, la France entière ne les lisait pas, c'est sûr, et ne les entendait peut-être pas non plus, d'une certaine façon. Même si les colporteurs faisaient beaucoup pour les propager, en l'occurrence, Yann Sordet. Oui, alors on touche là à la question, non pas tant de la production que de la réception, hein, qui est absolument fondamentale. Bon, cela dit, il faut tout de même garder à l'esprit que dans ce répertoire très vaste des mazarinades, il y a une diversité de genres, il y a une diversité de tons, il y a une diversité de niveaux littéraires. Une partie des mazarinades également n'a pas forcément laissé traces écrites, non pas même traces imprimées. Des mazarinades imprimées ont circulé, ont été affichées, des mazarinades manuscrites ont circulé dans ce format-là, mais des mazarinades ont été chantées, ont été lues, ont été proclamées. Il y a une dimension orale dans la mazarinade qui fait qu'une partie du corpus nous échappe aujourd'hui. Et malheureusement, on n'avait pas inventé le magnétophone à l'époque. Donc voilà, tout à fait. Mais je crois que cet aspect-là nous renvoie à la caractéristique fondamentale de ce corpus hétérogène. Pour reprendre une phrase de Christian Jouhaud, je dirais que les mazarinades sont des textes d'action et de combat, fondamentalement. On recherche une effectivité, et une effectivité immédiate, parce qu'il y a une actualité d'une relative vitesse. Quand on regarde la succession des événements sur 4 ans et demi, les soubresauts de la Fronde ont exigé une réactivité immédiate et ont conduit finalement les auteurs de Mazarinade à susciter des prises de position et à susciter des mouvements dans des délais très courts. En tous les cas, ces textes, et vous le dites, ont suscité aussi le fait que certains vont les recueillir et vont susciter un certain collectionnisme, puisque dès les contemporains même vont se préoccuper de les regrouper au maximum. Et puis après, au XIXe siècle également, enfin, ça fait partie aussi de l'histoire de ces textes. Je ne sais pas, Stéphane Affmayer ou... Il y a un petit midi. Alors, justement, j'ai découvert grâce au colloque, récent colloque... Alors, il faut le mentionner, ce colloque s'appelait Nouvelles Approches. Il avait lieu à la fois à la bibliothèque Mazarine, on ne l'a pas encore dit, et à la bibliothèque de l'Arsenal. Et pendant 3 jours, il a rassemblé tous les spécialistes de cette question des mazarinades pour faire le point, pourrait-on dire, sur ces nouvelles approches vis-à-vis de ces textes-là. Un colloque qui a été organisé donc par Stéphane et Yann Sordet, ainsi que Patrick Rébollard et Tadako Ishimaru. Et donc j'en reviens à la réponse. J'ai découvert que donc par exemple Comartin avait collectionné plus de 2000 mazarinades. Or Comartin était le bras droit du coadjuteur. Donc vous aviez le phénomène de collection qui était fait par des acteurs qui avaient besoin de savoir ce qui se disait pour s'inspirer, répondre et répondre. Et donc il y a tout un jeu d'intertextualité dans les mazarinades. Et puis ensuite comme phénomène de curiosité. Donc là, peut-être Stéphane... Mais on sait qu'il y avait, par exemple, des abonnés très lointains. Le pape lui-même. il fallait qu'il soit au courant, c'est normal. Le duc de Butel également. Ce qui explique aussi la dispersion, peut-être. Enfin, ça contribue à expliquer la dispersion des archives. Est-ce qu'on a fini par avoir, un corpus complet de ces mazarinades, ou est-ce qu'on en découvre encore Yann Sordet? Alors, on en découvre encore. Dans des bibliothèques lointaines, on en acquiert encore aussi. Je voudrais signaler une acquisition très récente faite par la bibliothèque Mazarine d'un recueil qui a été composé au XVIIe siècle par Talmant des Réaux, l'auteur fameux des historiettes que nous connaissons. Il a composé un recueil de mazarinades extrêmement intéressant parce qu'il l'a annoté de sa main. Et un certain nombre de ces annotations permettent de confirmer certaines attributions. Alors, puisque nous évoquons ce phénomène de collecte, alors nous parlons collectionnisme, mais il y a aussi un phénomène de collecte. Les principaux acteurs de la Fronde, Condé et les siens ont collectionné les mazarinades. Mmh. C'est une découverte qu'a faite très récemment Christophe Velay, qui est conservateur à la bibliothèque Mazarine et qui a mis la main sur un certain nombre de recueils qui ont été conservés dans la bibliothèque des Condés et qui se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque Mazarine. Il faut faire la part aussi de l'intérêt fondamental de Gabriel Naudet. Gabriel Naudet, donc celui qui était le conseiller de communication, pourrait-on dire, Gabriel Naudet, oui, de Mazarin. Il est très proche de Mazarin. Il est de 2 ans son aîné. Mazarin le recrute dès son arrivée au pouvoir en 1643. Gabriel Naudet, c'est à la fois un très grand érudit, un philologue, c'est un théoricien des médias. Il s'est interrogé dès 1620 sur la question des libelles. Le Marfort au discours sur les libelles, c'est un des premiers traités théoriques sur les libelles, publié en 1620, à une époque où il n'a pas encore rencontré Mazarin. C'est, comme l'a rappelé Christophe Velay, c'est un conseiller politique de Mazarin, c'est un théoricien des médias, et c'est surtout son bibliothécaire. Et en tant que bibliothécaire, il collecte à vif, dans les rues de Paris, les Mazarinades. Et il va publier finalement la première bibliographie des Mazarinades. C'est amusant parce que ça fait penser à ce travail formidable qui avait été mené par Alain Schnapp et par Pierre Vidal-Naquet pendant mai 68, où ils ont fait ce formidable livre qui est récupéré, tous les tracts, toutes tous les slogans qui étaient diffusés pendant mai 68, pour dire on va en faire la collecte au moment même où cet événement se déroule pour pouvoir ensuite le conserver pour l'histoire. C'est ce que fait donc Gabriel Naudet. Absolument, il collecte et il analyse. Ce travail de collecte et d'analyse relève de sa démarche vis-à-vis de Mazarin. Il tente de convaincre Mazarin de la nécessité de répondre dans l'immédiat à l'ensemble de ses amis. Myriam Simini, oui, on arrive au bout. À propos de collecte, je tiens à souligner l'importance de la bibliothèque virtuelle de la recherche internationale sur les Mazarinades, du RIM, qui est tenue par Patrick Rébollard et donc Tadako Ishimaru, et qui donc permettent comme ça d'accéder sur Internet à des sources extraordinaires. Donc on est dans une nouvelle collecte virtuelle cette fois-ci. Merci beaucoup. Le colloque que vous avez tenu du 10 au 12 juin dernier, sera publié bientôt pour que nos auditeurs intéressés par ces questions puissent se plonger dans toutes les communications. Yann Zornet. Oui, absolument. Le colloque qui s'est tenu mi-juin est en cours de publication. Les actes en paraîtront dans la revue Histoire et Civilisation du Livre, qui est la principale revue relative à l'histoire du livre et de l'imprimerie en France. Nous attendons cette publication pour l'année prochaine. J'en profite pour rappeler également qu'en lien avec ce colloque, la bibliothèque Mazarine a monté une exposition qui est en place dans la grande galerie de la bibliothèque, au cœur de cette bibliothèque fondée par Mazarin lui-même. Et l'exposition est visible jusqu'au 25 septembre. Mazarin se bougeront, les rues d'où même parlent en long. C'est un Silira, c'est un Bougrinca, que les aboiements viennent. Il n'eût jamais été qu'un fat sans celui de la reine, au gué, sans celui de la reine. Une Mazarinade chantée par le Quatuor de la Cité pour conclure cette émission consacrée, donc, comme toutes les autres émissions de la semaine, à l'histoire de l'imprimerie. Merci Séverine Yatin d'avoir été avec nous toute cette semaine. Cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier, Aurélie Marsay, Emmanuel Morse-Duncan était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et les textes étaient lus, bien sûr, comme d'habitude, par Daniel Königsberg. Merci, Daniel. Demain, l'émission, ce sera la dernière. Demain, dernière de la saison de la Fabrique de l'Histoire. Et nous recevrons, c'est une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour son imaginaire historique que nous avons enregistré à la salle du Jeu de Paume à Versailles. Comme toujours, ces rencontres du Jeu de Paume qui sont co-organisées par France Culture et par le château de Versailles.